بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم. Donc aujourd'hui, en l'occasion de cette Dawra qui se déroule, étalée sur ces deux jours, aujourd'hui et demain, étant donné que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà écouté les conférences qui ont été données précédemment par notre frère Mohamed Abu Huzaifa et le frère Abdullah Al-Hadi, et qu'il y a encore une muhadara qui doit venir par la suite, alors on va faire un dess assez court, Inch'Allah, pour pas que ce soit trop lourd pour vous, et que vous puissiez profiter de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Là, en réalité, on ne fait que prendre ce dess, histoire de rester régulier, assidu, mais en réalité, si j'avais pu, je l'aurais annulé pour que vous puissiez pleinement profiter de la dawra. Mais pour garder la baraka, car le meilleur des actes auprès d'Allah Azzawajal, ont ceux qui perdurent, même s'ils sont peu. Donc on va prendre, Inch'Allah, un dirs assez court, aujourd'hui. Wa kada. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عشر 15e hadith. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلهم رواه أبو داود. Selon Aïcha, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit et placer les gens, chacun en mesure de leur niveau, au niveau de leur statut, de leur classe, de mettre les gens à leur place, chacun en mesure de la place qu'il mérite, rapporté par Abu Daoud. À savoir que ce hadith, en réalité, a été jugé comme étant faible par beaucoup de savants. Bien que son sens reste authentique. Mais le hadith, tel qu'il est rapporté ici selon Aïcha, est un hadith sur lequel il y a débat quant à son degré d'authenticité. Naam. Wa ala kullin sanakrama qala al-mu'allifu shay'an ma minhu wa ta'liq alayhi bil-ikhtisar bi-iznillah. On va quand même lire ce que l'auteur à citer comme fawaïd par rapport à ce hadith, comme on a dit, expliqué, vu que le sens, lui, reste correct. Il y a des enseignements à en tirer. Yaqul, ya lahu min hadith hakim, fihi al-hath, li ummatihi ala mura'at al-hikmah, fain al-hikmah, wad' al-shay fi mawadi'iha, wa tanziluha manaziluha, wallahu ta'ala hakimun fi khalqihi wa taqdirihi, hakimun fi shar'ihi wa amrihi wa nahihi, wa qad amara ibadahu bil-hikmati, wa mura'atiha, fi kulli shayin. وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ورشادته كلها تدور ولا الحكمة. Donc ce hadith incite toute la communauté à faire preuve de grande sagesse, car la sagesse de placer les choses à leur place et de mettre les choses à leur niveau. Et Allah Azza wa Jal, parmi justement ses noms, Al-Hakim, parmi ses sifat, Al-Hikmah. Donc il a une sagesse dans sa création et dans la prédestinée des choses. Sage dans sa législation et dans ses ordres et dans ses interdits. Et il nous a ordonné nous-mêmes de faire preuve de hikmah et de l'observer en toutes choses. Ainsi que les ordres du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses indications, toutes sont basées sur la hikmah, sur la sagesse. فَمِنَهَا هَذَا الْحَدِيثِ الْجَامِعِ إِذْ أَمَرَ أَنْ يُنَزَّلَ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ وَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْجَمِيعِ المخاطبات والتعلم والتعليم. Donc ce hadith nous ordonne de se comporter avec les gens en mesure de leur classe, de leur statut, de leur rang, de leur niveau. Et en toute situation, dans les négoces, dans les discours, dans les échanges, dans l'enseignement et dans l'apprentissage. فمن ذلك أن الناس قسمان. Donc après il explique que les gens sont de deux catégories par rapport au droit à rendre. قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص. Car les gens, comme on l'a dit, sont de deux catégories. Première catégorie de gens, ceux qui ont un droit qui leur est particulier, comme par exemple les parents, les enfants, les proches, les voisins, les compagnons, les savants, et également les gens bienfaisants, et cela en mesure de leur bienfaisance. qu'elle soit une bienfaisance générale ou une bienfaisance particulière. On peut également y mettre les gouverneurs et autres. Ce sont les gens pour qui des preuves sont venues qu'ils ont un droit particulier. فَذَلِكَ الْقِسْمُ تَنْزِيلُهَا مَنَازِلَهُمْ بِالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِمْ وَمَعْرِفَاتِ شَرْعًا وَعُرْفًا مِنَ الْبِيرِ وَالصِّلَةِ وَالْإِحْسَانِ وَالتَّوْقِيرِ وَالْوِفَاءِ وَالْمَوَاسَاءِ وَجَمِيعَ مَا لَهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ فَهَؤُلَاءِ يُمَيِّزُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ بِهَذِهِ الْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ. Donc cette première catégorie de personnes, on doit les mettre à leur place et leur donner ce qui leur revient, comme droit. Et que ce soit des droits qui sont basés sur une connaissance religieuse ou basés sur les mœurs, sur les coutumes, les habitudes, comme bienfaisance et comme entretien de relations et comme respect à donner et autres, dans tout ce qui leur revient comme droit. Ceux-là, ces gens-là, se distinguent des autres par ces droits particuliers qui doivent leur revenir. وَقِسْمُ نَيْسَ لَهُمْ مَزِيَّ اِخْتِصَاص بِحَقْ خَاص. Et une autre catégorie de personnes, ça c'est la deuxième catégorie de personnes, eux, ils n'ont pas de droits particuliers. D'accord? Ce sont des choses générales. وَإِنَّمَا لَهُمْ حَقْ الْإِسْلَامُ وَحَقْ الْإِنسَانِيَّ فَهَؤُلَاءِ حَقُّهُمْ مُشْتَرِكُ أَنْ تُمْنَعْ عَنْهُمْ الْأَذِيَّ وَالْأَضْرَارُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَأَنْ تُحِبَّ لِمُسْلِمِينَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ مِنَ الْخَيْرِ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لَهَا مِنَ الشَّرِّ بَلْ يَجِبُ مَنْعُ الْأَذَى عَنْ جَمِيعِ نُوعِ الْإِنْسَانِ وَإِيصَالُ مَا تُقَدَّرُ عَلَيْهِ لَهُمْ مِنَ الْإِحْسَانِ. Donc ces gens-là, parmi les musulmans, ils ont leur droit général, le droit de l'islam et le droit humain. Et ce sont des droits qui sont communs, qui se partagent entre tous. Par exemple, ne pas leur nuire. D'accord? Soit par la parole ou par les actes. D'aimer pour les musulmans ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et de comme bien, évidemment. C'est une chose importante de l'aimer ce qu'on aime pour eux comme bien. Parce que des fois, on aime des choses pour nous, mais en réalité, elles sont un mal pour nous. On s'en rend pas compte. Donc là, c'est une condition qui est importante, qu'on aime pour eux ce qu'on aime pour nous comme bien. Et de détester pour eux ce qu'on déteste pour nous comme mal. Car également, on peut détester une chose pour nous alors que c'est un bien, en réalité on ne s'en rend pas compte. Comme Atar Alamoun. Donc c'est, on déteste pour eux le mal comme on le déteste pour nous-mêmes. Et il est même obligatoire justement d'empêcher toute nuisance à toute personne en réalité. Même les gens qui ne sont pas de l'islam, il ne faut pas permettre qu'ils soient lésés et qu'ils soient nuits. D'accord? Injustement. Même les koufars, ils ont un droit. D'accord? Un droit déjà de da'wah, de conseil, et un droit également de les préserver de tout mal qui pourrait être causé par notre main. قال ومما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم فالكبير له التوقير والاحترام والصغير يعامله بالرحمة ورقة المناسبة لحاله والنذير يعامله بما يجب أن يعامله به. وللأم حق خاص بها وللزوجة حق آخر ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه. Donc en fait, on doit se comporter et vivre avec les gens en mesure de leur statut. Par exemple, le grand, il a droit au respect. D'accord? La personne qui est âgée, plus âgée que nous, elle a un droit au respect. Le petit, lui, il a droit à une rahma, une miséricorde, qui convient à sa situation. La personne qui nous est équivalente, également, elle a droit à ce qu'on se comporte avec elle comme elle le mérite. La mère, elle a un droit particulier. La femme, l'épouse, a un droit particulier. Et les gens, on se comporte avec eux en mesure de ce qu'ils nous indiquent et de la confiance qu'on leur porte. Plus on fera confiance, plus on leur accordera. Et moins on leur fera confiance, et moins on leur donnera également. ويتكلم مع الملوك وأرباب الرئاسات بالكلام اللين المناسب لمراتبهم لمرتبتهم ولمراتبهم نعم لمراتبهم أساس مرتبتهم. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Également, on s'adresse aux gouverneurs, aux gens de pouvoir, avec un discours qui leur est approprié, leur parler avec douceur par rapport à leur statut. C'est pour ça que Allah Azzawajal, il a dit à Moussa et à Haroun, rendez-vous auprès de Pharaon, car il a certes outrepassé, et adressez-lui d'une parole douce, il se peut qu'il se rappelle, afin qu'il se rappelle ou qu'il craigne. Taha, verset 43 à 44. Donc regardez bien Pharaon, malgré le mal qu'il faisait, et comme vous le savez, la situation qu'il avait, Allah Azzawajal a demandé à Moussa et à Haroun de lui parler correctement, car c'était un homme de pouvoir. Ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un valet, ce n'était pas un petit garçon. C'était l'homme qui détenait le plus de pouvoir à ce moment-là, l'homme le plus puissant sur Terre. Donc il fallait lui parler d'une façon qui convenait. Et car des fois, des gens se servent de ce verset-là pour s'adresser à des gens qui sont moindres que Pharaon, pour dire qu'il faut le parler doucement à cette personne-là. Parce que regarde, Allah Azzawajal a dit à Moussa et à Haroun de parler doucement avec Pharaon, alors que c'était un homme qui était très mauvais. On dit parce que Pharaon, c'était un gouverneur, un homme très puissant. Mais ce discours de l'Eyen doux, ce n'est pas avec tout le monde qu'on va l'avoir. D'accord ? Ce n'est pas avec tout le monde qu'on va l'adresser. Donc ne pas appliquer ce verset hors contexte. Là, c'était propre à Pharaon, car c'est un homme de pouvoir. Et bien, un homme qui est également très dangereux. وَيُعَمَلَ الْعُلَمَا بِالْتَوْقِيرِ وَالْإِجْلَالِ وَالْتَعْلِيمِ وَالتَّوَاضِعْ لَهُمْ وَإِظْهَارِ الْإِفْتِقَارِ وَالْحَاجَةِ إِلَى عِلْمِهِمْ وَكَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَهُمْ خُصُوصًا وَقْتَ تَعْلِيمِهِمْ وَفَتْوَاهُمْ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ. Également les savants. Les savants ont droit à un grand respect. D'accord ? D'être respectés, d'être honorés. Et de leur accorder le fait de pouvoir enseigner. Et d'être modestes devant eux. De faire apparaître le besoin qu'on a de leur science. Il faut leur montrer qu'on a besoin de leur science. Et faire beaucoup de dua pour eux. En particulier lorsqu'ils enseignent ou lorsqu'ils émettent des fatwas. Parce que tu demandes une fatwa à un alim ou autre, fais un dua pour lui, qu'Allah soit bienfaisant envers lui, qu'Allah lui accorde le bienfait, qu'Allah lui accorde le tawfiq et autres, et qu'Allah lui rétribue en bien. Ne sois pas avare en dua pour le savant, car il va t'apporter une chose qui pourra peut-être changer ta vie, et être une cause pour te faire entrer au Jannah ou t'éviter un châtiment ou autre. Donc c'est très important. Et qu'il s'agisse des savants, qu'il s'agisse des prédicateurs, des gens qui indiquent les gens vers le bien, et qui ils fournissent des efforts. ومن ذلك أمر الصغار بالخير ونهيهم عن الشر برفق والترهيب. Également les enfants. D'accord, les enfants, il faut leur interdire de faire du mal, et cela avec douceur autant que possible, et les motiver à faire le bien en ce bas monde, et pour les motiver à agir. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'ordonner aux enfants de faire la salat lorsqu'ils ont 7 ans, et même de les frapper lorsqu'ils ont 10 ans. S'ils ne la font pas. Donc les frapper en réalité, et quand on parle de frapper, c'est frapper de façon modérée bien sûr, c'est un bien pour lui en réalité. Pour qu'il puisse comprendre qu'il est arrivé à un âge où la salat est devenue pour lui une chose qu'il ne peut délaisser. Naam. Et le shir également parle par rapport aux gens de leur donner, de faire des dons. Et cela en mesure de l'intérêt à en tirer. Par exemple, des gens qui sont nouveaux en islam, on va être plus doux avec eux que l'on va l'être avec des gens qui sont anciens. On va pas se comporter pareil. Car le nouveau, lui, est ignorant et a besoin que son cœur se raffermisse sur la religion. Donc on pourra lui parler comme parler à une personne qui est ancienne et qui fauterait. Ce n'est pas pareil. Comme le savant qui faute n'est pas comme l'ignorant qui faute. Et autre. Il dit « Kazalika mukhatabat les zawja wal awlad istighar bil khitab al la'iq bihim allazi fihi » bastuhum wa idkhal as-surur alayhim. Également les échanges que pourra avoir avec les épouses et les enfants, la façon de parler avec eux afin de les réjouir et de faire entrer en eux la joie. Et il dit également, lorsqu'on accorde une place à quelqu'un, une fonction ou autre, on donne à chacun ce qu'il est en mesure de pouvoir accomplir. Par exemple, quand tu engages une personne pour un travail, tu l'emploies, tu en donnes l'emploi qui lui convient. Tu ne mets pas une personne inapte dans un travail qui ne le revient pas. D'accord ? Selon mesure des caractères des gens et de leur situation. Chacun, on le met à sa place. On ne donne pas une chose qui demande autorité à une personne qui est faible de caractère. On ne donne pas une chose qui demande, par exemple, beaucoup de patience à une personne qui est nerveuse. Et autres. Donc tout cela est à mettre à sa place. Il dit وكذلك يدخل في ذلك يدخل في ذلك معاملات العصاة والمجرمين et à prendre en compte le comportement à avoir avec les gens qui sont mauvais et désobéissants comme قال تعالى afana jaral al muslimin kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun allons-nous donc traiter les musulmans comme les criminels qu'avez-vous donc comment est-ce que vous jugez ils ne sont pas égaux on ne peut pas se comporter qu'une personne pieuse comme avec une personne qui est perverse et ainsi de suite chacun doit être mis à sa place d'accord et chacun mesure du droit qui lui revient et il dit wa kadhalika fi sadaqah wal hadiyah il dit par exemple pour les aumônes ou les dons que l'on puisse faire les gens ne sont pas égaux par exemple une personne qui est dans la rue et qui demande quelques deniers comme on dirait on va pas lui donner une somme comme mériterait une personne qui elle à la base ne demande pas et dans le besoin et qui a une famille à sa charge et autres ils ne sont pas égaux tu as des gens des fois ils sont dans la rue des mendiants hein et je parle là de donner de l'argent aux musulmans parce que les koufars généralement on craint pour que cet argent-là ne soit utilisé dans le mal si un kafir te demande quelque chose tu peux lui donner quelque chose c'est permis mais comme tu le sais beaucoup d'entre eux parmi les gens qui sont dans la rue souvent vont acheter de l'alcool avec l'argent qu'on leur donne mais pas de mal si tu dis que j'ai faim tu lui prends quelque chose à manger tu lui donnes un sandwich ou un repas d'accord dans ce qui est halal mais quand tu connais une personne comme ça tu ne peux pas lui donner une somme que tu pourrais donner à quelqu'un que tu connais qui est dans le besoin et qui fait des efforts à la base pour subvenir à ses besoins une famille à sa charge et qui ne demande pas à la base tu vas pas te comporter de façon égale entre les deux le deuxième tu vas donner plus tu vas faire plus d'efforts pour lui car à la base ce n'est pas son habitude de demander ou d'attendre mais des fois il y a des besoins alors que l'autre c'est son quotidien de demander de l'argent aux gens et plein de gens passent et lui donnent un euro par-ci un euro par-là des fois même il se retrouve avec une grande somme le soir alors que l'autre personne n'est au courant ça se trouve il a un grand besoin tu as de quoi l'aider aide-le qu'il a donné une grosse somme elle ne sera pas perdue tout cela sera donc dans tes hasanat yawm al-qiyama n'am donc voilà en gros ce que ce hadith nous apporte comme enseignement que les gens on doit les traiter en mesure de leur situation de leur niveau et également ça amène à ne pas élever les gens au niveau qui n'est pas le leur ni à rabaisser les gens en dessous du niveau qui est le leur ne pas exagérer sur les prédicateurs lorsqu'on ne connaît pas leur niveau de science ou sur les mashayikh kazalik ils ne sont pas tous égaux il faut mettre les gens à leur place car le fait de gonfler les gens peut amener à ce que ces derniers se leurrent sur eux-mêmes et soient atteints par la maladie de l'orgueil et du leadership comme on dit et mettre la référence les gens vers qui on se retourne et vers les gens vers qui on revient en toute chose même dans les choses qui ne reviennent pas il y a des questions qu'on peut avoir comme problème à demander aux gens ce n'est pas tout le monde qui peut répondre on ne demande pas n'importe qui ce qu'on a à vouloir si on veut une fatwa ou si on veut une nasiha ou quoi on demande aux gens qui sont aptes à le faire non donc voilà on va se contenter de cela aujourd'hui et naktafi bi al-qad wa subhanaka wa bihamdik la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh